personally responsible for the entire strip to be washed away, cleansed, as if gallons of rubbing alcohol flowed through the strip and were set on fire. It didn't just singe their hair, it made it straight. And then Perry Ellis came along with his broom and his silk. And he erected a beautiful city. A city of stars. Je sais pas si on peut visser l'espoir pour 120 minutes. Peux-tu visser? As-tu besoin de moi pour visser l'espoir? Mère? Ben, tu sais comment le prendre? Le prendre? Un espoir. Des espoirs. Prends pas ça comme ça. C'est de l'espoir. C'est du pur, ça. C'est pas du dilu. C'est de l'espoir. Mère? Ouais, mais là, ça vient comme ça, là, l'espoir. Tu peux pas prendre ça autrement. Visse-le pendant 120 minutes, là, durant l'émission. OK? Histoire de remettre la Terre dans son axe. Même si, elle n'a... mes amis, hey, ça va bien, vous? C'est réel. Votre ami Réal. Pas Réal, Rénal. Ouais, ça vire, hein? On sait pas pourquoi, mais des fois, la prononciation... Tu peux juste changer de rue. Tu dois modifier ta prononciation. Imaginez-vous, quand vous êtes à Montréal, tu dois rouler tes R quand tu arrives à Québec. Tu dois rouler... Tu roules ton Québec! Roule ton Québec, man! C'est compliqué, ça roule, là! Il y a du petit papier, là, mais là, tu glisses ça sous tes doigts. C'est comme des messages sous tes doigts, là, mais là, tu roules, bon! Comme je disais tantôt, là, on a reçu de l'espoir. Ça fait combien de fois je dis espoir? À un moment donné, je me plaçais. Ça m'arrive souvent de me placer. Comme si j'étais, je personnifiais. Et personnifier, c'est pas facile, là. On dit souvent, hein, reste toi-même. Mais non, quand t'es comédien, quand le Vézi, la marahine. C'est important de savoir ça aussi, là. Non, non, mais quand tu fais partie du monde artistique, donc, tu es, comme on dit, entre guillemets, tête folle, t'es une tête folle, là. Non, mais c'est bien, hein, souvent être une tête folle. Il y a tellement de têtes soudées sur les épaules. Ah, oh, ouais, faut pas rire, la vie. La vie, c'est pas drôle. Ah, oh, non, c'est pas drôle, la vie. Moi, je me lève le matin. Moi, mon petit déjeuner, c'est très petit. Je m'en vais avec un verre d'eau, pas de glace, dans l'autobus. Moi, je prends pas de café, ça me stresse. J'ai juste à l'entendre ding-ding. Tu sais, les petites gouttes, là, les ding-ding, ça me stresse, moi. Ça me... Comment tu écris ça me stresse? Ben, écris-le sans te stresser, là. T'es, convenablement, mais d'une manière relaxe, là. Ouais. Ouais. Mais on a reçu de l'espoir. Je l'ai étudié, madame. Oui. Bon. 120 minutes. La durée de l'émission, mais il y a déjà 11 minutes de partie. Oh, il en reste quoi? 109. 109. Vous êtes bon en calcul, vous? Oh. Non, mais quand on vous a dit en 1927, bon, que vous alliez, ouais, 1927, j'allais dire, je vous ai comme rajeuni de 20 ans. Comment ça vous sert? Vous vous sentiez comment quand vous êtes 40? Oh, je vous ai vu un peu bombé, là. Ah, oh. Les genoux jusqu'à ça montait, là. Oui, oui, 20 ans, oui, j'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. 20 ans d'amour faisait battre mon cœur. Même au gazou, tu peux prendre la note trop haute. Je croyais même pas. On apprend les choses, hein, en direct. C'est plaisant. Non, mais c'est un instrument assez insignifiant que le gazou. Si tu connais pas de la musique, tu vas jouer du gazou, tu vas gling-glinger, tu vas te swinguer la patate gonflable, hein? Pas besoin de savoir de la musique, là, hein? Fais-moi un do. Fais-moi un ré. Fais-moi un mi. Un mi, hein? Écoutez, c'est ça, là, ce que vous entendez, c'est un mi. Enlève l'écho. Non, mais allez, regarde. C'est un mi. C'est des mi de pain. Des mi de pain. Des mi de pain. De pain. De pain. De pain de misère. On peut monter trop. Quand tu chantes mal, tu peux même pas jouer de la gazouille. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait un album. Un CD, juste du gazou. Amenez Monsieur Gazou, jouez pour nous. Je l'ai pris ton haut. Tu rires de gazou. Moi, m'étouffer, moi, mourir là. Sur le champ, dans l'herbage. Roule-toi dans l'herbage, mon insignifiant. Comme les chats aiment ça se rouler là-dedans. Hein? C'est quoi, c'est du perlin-pimpin? moi, je peux te vendre du perlin-pimpin. C'est au gramme. Pour ton chat, ton chien, ton petit oiseau. De toutes les couleurs, j'en ai pour n'importe. Tu me dis la couleur, moi te sortir le perlin pimpin. C'est moi le même chien. Il y en a un qui. Oui, vous l'avez entendu, celui du suré. Il est surette un peu, là, surréaliste. Ouais, ben, il était surrénal. Comme tout. Le train va passer. Mon Dieu, excite-toi pas de même, toi. Calme ta brebis. Calme ta brebis et lèche-la. Lèche-la. Lèche-la tranquille. Alors, peut-on visser l'espoir dans quelques minutes, histoire de remettre la terre dans son axe, même si elle l'aimait. C'est là que je me... C'est moi qui rime. J'ai écrit mes textes, je suis pas capable de me relire. C'est tellement complexe dans la structure. syntaxique. Peut-on visser l'espoir dans 120 minutes, histoire de remettre la Terre dans son axe, même si elle-même ne veut plus rouler dans le bon sens? Voilà, c'est ce que j'avais écrit. Mais je voulais placer de l'humour là-dedans. C'était plat, comme l'aime Jacques Brel. Le plat pays. Qui aime juste, juste en haut de la côte, avant l'espérance, juste après la montagne qui nous fait croire au sens de la vie. Juste après-midi, j'étais avec toi, et ce soir me voilà seul. Avec moi, avec autant de brume dans mes lunettes, parce qu'il fait froid encore, on dormit. 8 avril, c'est froid pour la lunette. Tu te crois libéré, là, normalement, que tu places quoi dans ta lunette pour qu'elle ne s'embrume pas? Oui, sans doute que lorsque j'ai acheté ces belles barniques, chez nous, là, à un moment donné, on parlait de barniques. J'ai des barniques. J'ai une paire de barniques. Je ne sais pas d'où ça vient, barniques, là, mais c'est des lunettes. Des lunettes! Imaginez-vous si vous dites des barniques! Ça fonctionne moins. C'est mieux lunettes. Ça fait comme fluette. Ça fait comme s'envoler. C'est ça, là, ça s'envole, ça revient. Ça s'envole et ça revient, ça se peut. Ma voix est bizarre, hein, savez-vous? Non, ça passe pas par des synthépiseurs, là. C'est des épisodes longs à lécher, la synthépiseur. J'ai acheté ça sur eBay, là, puis le manuel, là, c'est 375 pages de manuel pour utiliser juste un synthétiseur. Synthétiseur de voix pour comme muscler, relâcher, vibrer. Surtout, vibrer. Autrement que les échos que j'ai juste 12 échos. Imaginez-vous, j'ai la Rotary. On va l'écouter, la Rotary, ouais. La Rotary. Je ne suis même pas sûr. On l'a dessus? La Rotary. Bon. Tu l'écoutes de même, ça semble insignifiant. Mais tu dis la Rotary. Ben oui, puis Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter, c'est Harry Potter. Excuse-moi, je crampe 20 minutes de même, moi. Quand je trouve une chose, c'est rare que j'ai la bonne blague de même. Là, c'est, excuse-moi, comme le vin, je te le dis, moi, là, selon moi, là, il y a des cuvées là-dedans. Rappelle-toi que le 8 avril 2016, là, c'est la meilleure cuvée que tu peux pas avoir, là. C'est assez cohérent. Vous l'aimez, c'est cohérent? Moi, là, quand j'étais petit, on me faisait faire ma prière. Mais pas longtemps. Je pense que j'arrêtais à 5 ans. 5-6 ans. Puis après ça, ben là, je faisais des messes noires. Ah oui, Alice Cooper, ah oui, mon Dieu, Alice Cooper, Alice Cooper, ah oui, tu sens du menti, tu. Puis tu t'es arrêté, mon Alice. Des bêtes aussi insignifiantes que des rats. Des morts vivants, des chanteurs country western. Ils ont doit être vivre, eux autres aussi, le western, le country western, les quétaines. On doit vivre les quétaines. On vit dans un monde de quétaines. L'être ordinaire est un être quétaine. Quétaine. Vieux jeu. Endormi dans l'espoir que la vie en tient son ami. C'est ça l'insignifiant là, qui écoute Noir FM. Il va noir, peux-tu mettre de la lumière, ça va devenir rouge. Ouais, Samy, arrête, ça vire rouge. Ouais, encore plus de... Non, c'est un drame, là. Bon, là, moi, j'adore comme ça. J'adore les institutrices. Parce que j'ai écouté pendant 3-4 jours, un spectacle de mon ami Philippe Catherine que j'ai capté pour mon usage personnel. Parce que je capte aussi pour mon usage personnel. Je ne veux pas en faire bénéficier le peuple parce que il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Puis c'est des copies pirates que je me fais moi-même. Mais je m'auto-pirate. Êtes-vous capable de vous auto-pirater, Mme Thibodeau? Connaissez-vous la recette de l'auto-piratage? C'est pas beau, le piratage. Là. Piratage, là, c'est pas juste dans la mer. Ça peut... Oui, ça peut être dans la mer cybernétique, mais faites attention. On appelle ça surfer. C'est surfait. Ouais, on s'imagine qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais moi, c'est pour sincèrement, là, sincèrement. Je suis très sincère. Monsieur le curé, là, je peux pas être plus sincère que ça. Je vous dis souvent que vous êtes mon meilleur curé de la semaine. La semaine prochaine. Non, le meilleur n'est pas encore est à venir. Mais oui. Pardon? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait, là? Ah oui, j'écris quelquefois des... Je sais pas, c'est des pétillements C'est un pétillement de mon esprit. Ça pétille, quelquefois, là. C'est comme... en parlant de bacon, parce que dans ma tête, il y avait le mot bacon. Je vous l'ai pas dit, là, mais dans ma tête. Il y a plein de choses que je vous dis pas et qui passent dans ma tête. Heureusement, là, sinon ce serait un flux. Il y avait une petite fille, une jeune fille. Non, une petite fille, pas une jeune fille, une petite fille. 7 ans, 8 ans, qui parlait à sa mère. J'étais dans la section lait, parce que moi aussi j'en fais partie, là, des laits. Mais là, moi j'étais dans le LAIT. Donc, un LAID plaçait du LAITS. On se comprend-tu? Pas compliqué. Plaçais mon lait. Le lait plaçait le lait. Donc, on parlait. Je t'aime quand même. T'es belle. Non, mais t'es en carton, mais le monde t'aime aussi. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'haïs le lait. Si je mélange pas ça avec de la poudre chocolatée, je dois dire de quelle sorte, parce qu'ils vont dire, il a travaillé à Limolou. La poudre, c'est la poudre. Chocolatée. Petite cuillère, là, tu passes ça. Moi, je fais attention pour pas trop brasser, pour qu'il reste un petit mouton à l'intérieur, là, à la fin de mon verre de lait au chocolat. Oh. Il faisait son petit lait au chocolat. La, la, la, la. Et puis là, la petite fille, pendant que je plaçais le lait, elle parlait à sa mère. Mère insignifiante. Il n'y a pas de permis pour être parent. Hein. Tu peux être imbécile, jamais à l'écoute, connasse, con aussi. Hein. Les hommes cons, connasse, les femmes. Les hommes, les femmes, en tout cas. Tu peux mettre au monde un enfant, il n'y a pas de permis, mais tu dois savoir conduire pour avoir un véhicule. Le monde est ainsi fait. Comme si mettre un enfant au monde n'était pas aussi important de l'élever, je le dis souvent, oui, de le monter au zénith que l'humain peut atteindre. On veut que notre enfant soit le premier de classe, mais c'est un cancre. Mais peu importe, il y a quelque chose. Là. Peut-être artistiquement, il peut faire des beaux dessins, il peut, hein? Puis il peut te dire souvent, « Dessine-moi un mouton! » Regarde, il est 20h15, on va se coucher, là. « Dessine-moi un mouton! » Hey, monsieur. Je t'ai dessiné un mouton demain. Oh non, dessine-moi un mouton! Il lâche pas. Hein? Le petit, c'est ça, il dessine-moi un mouton. Ouais, oui. T'as-tu un crayon? Non. Mais dessine-moi un mouton. Ouais, mais si t'as pas de crayon, comment tu. Dessine-moi. Mais il lâche le disque, toi, là. On a plus de 33 tours parce que ça répétait tout le temps. Hein? Quand t'écoutais Oh Jambalaya, chante avec moi encore une fois. Quand nous avions le temps, les mains, rappelle-toi. Oh Jambalaya, chante avec toi encore une fois. Chante avec toi, chante avec moi, chante avec moi. Ou si vous aimez, chante l'amour, chante la vie, chante la joie. Tu n'as pas oublié ce bouton-là. Ah, et j'ai un grand souvenir. C'est beau, c'est beau. Donc, la petite fille, encore la petite fille. Comme la chanson de Reggiani. Je ne la chanterai pas, celle-là. Et elle dit à sa mère, qui ne l'écoutait pas comme d'habitude, elle était beaucoup plus branchée sur son cellulaire. Ouais, on y arrive. Ouais. C'est une vraie connasse, là. Premier ordre. Puis la fille dit, « Hey, maman, nous avions un cochon à l'école. » Un cochon, un vrai cochon. Pas un cochon, un gars qui regarde en dessous des jupes, là. Non, un cochon. Je fais bien le cochon, hein? Attendez, avec l'écho. Alors, elle dit à sa mère, hey, on avait un cochon aujourd'hui à l'école, maman. Puis on lui a fait manger du bacon. Ça, c'est intéressant, là. C'est un cochon cannibale. Puis elle a trouvé ça drôle. Hey, maman, du bacon! Un cochon, du bacon! Là, sa mère allumait pas. La petite fille, 8 ans, là, bien allumée là-dessus. Là. Elle savait bien que le bacon venait du cochon. Mais la mère, elle parlait, ah ouais, elle arrive. Ça devait être son amant ou je sais pas quoi, divorcé, puis bon, classique. On s'aime plus. On a fait un enfant, mais on s'aime plus. On s'aime plus. On s'aimait quand on le. Bon, on s'aimait même pas. C'était pendant une soirée, puis on avait pris 3-4 pastis. Histoire de pastisser notre vie. Hein? Pastis, mais. Ouais. Ouais, mais ça décolle, hein? C'est pas du beau pastis. On appelle ça pas du. Non, c'est pas du pastis, madame. Non. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas ça. Je sais pas le mot. Je sais pas le mot. Je l'ai entre le dentier et le palais. Moi, j'ai le mot qui reste coincé là-dedans. Normalement, c'est entre les deux dents. Jane Birkin, c'est entre les deux dents. Vanessa Paradis aussi. Deux belles filles avec une dentition incroyable. Moi, j'aime ça. Une fente là, au niveau de la dent aussi. Là. C'est tellement... Le vent du nord part au galop. L'oiseau est mort, vive l'oiseau. Il y a un train pour l'an prochain et du bon vin. Alors chante, chante, chante. On y va, attendez. Attends. La, la, la, la. Ouais. Alors, j'ai des mots d'esprit quelquefois, puis je les prends en note. Donc, je vais vous dire, je vais vous aller la veille vers. Les billets verts, c'est pas juste pour le demain. Non, c'est, je vais vous en lire quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Je compte en direct, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas peur de dire que je sais compter jusqu'à 6. Après, ça se complique, là. Quand je vous remets votre petit change, je vais vérifier votre petite monnaie. Vous avez, ça coûte combien, madame? 3,50 $. Ouais. En 3,50 $. Attendez, je vais vérifier ma monnaie. Là, il y a du monde en arrière, là. Bon, je vais vérifier ma... $1,25 $. Le monde s'accumule, là. Le commis sait bien que... Le caissier sait que ça crée un bouchon. Puis on peut pas déboucher la bonne femme qui veut trouver toute sa monnaie. Quand... Attendez, je me suis trompé. Madame, laissez-moi compter. Non. Ah non, c'est mon argent. C'est mon argent, je vais compter. Mon compter. Hé, hey, madame, j'ai une filée de personnes, là. Ah, mais c'est pas important. Hey, toi, ça me coûte 3,50 $. Je vais donner 3,50 $. Hey, là, le monde, il y en a qui vont travailler. Il y en a... Ils laissent leurs trucs, ils partent. Là, il regarde la bonne femme, c'est pas possible. Madame, je suis un professionnel de la mollet, de la molaire. Oui, je vais vous cochonner la molaire si vous me donnez pas votre monnaie. Je sais compter. Hey, à l'envers même. Si tu me donnes, OK, ça te coûte 7,85 $. Tu me donnes 10 $. OK, 7,85 $, là, ce que je vais te donner, je vais te donner 15 cents. Déjà là, pour faire 8. Puis, il m'a donné 2 $ pour faire 10. 2,15 $. Pas compliqué, la vie, là. la vie. Donnez-moi votre monnaie, madame. Donne, ne la veux pas. Là, tu prends la main. Tu secoues un peu. L'ambulance arrive. Il t'embarque. La police t'embarque. Mon Dieu. Si tu continues de même, tu ne seras plus de même. Ça, c'est mes titillements d'esprit, là, comme le champagne, ça titille. Si tu continues de même, tu ne seras plus de même. Alors, si je le dis autrement, là, on a compris, Rosaire! Rosaire! Rosaire, on a compris! Arrête! Ne t'acharne pas! S'il te plaît, ne t'acharne pas! T'as même pas fait ton introduction, c'est 30 minutes de passé, là. Avant de vous lancer, tirez-vous. Ah, le zappat du gain! Local, pour moi, sonne comme bocal. Tu sais, on parle souvent des chanteurs locaux. Le chanteur local de ce soir, Timé Miron. Vas-y, mon Timé. Ouais, moi, je m'accompagne. Je m'accompagne sans ma compagne, moi, là. Parce que ma compagne, ma mère va raconter tout ce qui s'est passé dans ce studio. Puis on m'a dit qu'il est vraiment canadien. C'est quand même assez étrange. Donc, je chante moi-même avec mes percussions. Je suis un chanteur vocal, béquet. Je suis pas Gilbert, moi. Ah non, je suis local. Très local. Vous allez entendre ça, ça creuse. Ça sonne le fond. Petit fille dans les chansons, si la fin du mois, reste avec moi, je serai l'accueillir. C'est mon grand succès. Alors, ensuite de ça, puis-je puiser sans m'épuiser? Ça, c'est comme les soirées olé olé. Hein? Olé olé! Okay. Toi, tu en fais virer des cœurs au corps d'amour. Je le répète. Toi, tu en fais virer des cœurs au corps d'amour. Hey, c'est beau! C'est beau le monde, c'est beau la terre. Et dire qu'on n'a pas... C'est Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, on doit vous annoncer mon invité parce que Errance Rénaldienne, on va faire le... Non. Écoute, on s'est rendu là-bas pour vous la présenter d'une manière authentique. Donc, restons-le. Aujourd'hui, le vendredi 8 avril 2016, l'Errance... Les Errances Rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, oui. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Est-ce qu'on peut? Parce que dans mon cerveau, ça n'a pas lu ce que je devais lire. Ça m'a causé des soucis la semaine dernière, hein? Oui, j'étais invité à l'émission Tout le monde s'en parle. Tout le monde s'en parle. Je ne croyais pas que c'était aussi en parlant que ça. Et j'ai balancé une phrase qui m'a suivi toute la semaine. Je n'ai jamais rattrapé, elle m'a suivi. Aujourd'hui, le vendredi, on l'a dit, hein, 25, non pas 25, 8, 8 avril, je ne fais pas vos cartes. L'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement musical, sensoriel, extraordinairement inclassable, unissons-nous autour de mon artiste préféré, Ryoko. Ryoko Nuruki. J'ai travaillé longtemps là-dessus pour avoir l'air cool. Comment? T'as rencontré Ryoko? Ben oui. Ryoko Nuruki. Effectivement. Elle est née. Elle est née quand même au Japon. Et puis, un jour, elle va nous raconter tout son périple extraordinaire. Je ferai deux soirées avec Ryoko pour notre plus grand plaisir. Vous allez l'entendre. Elle est craquante. Ses musiques sont touchantes. C'est une grande dame, une grande pianiste. Erance Renadienne était là en 2015, en juillet 2015, sur la rue des Abbesses. Abbesses. La rue des Abbesses. Je dis ça parce que j'ai reçu des courriels. Et puis, ben, vous aimeriez entendre une petite preuve? On a la preuve à conviction, là. Que ça tourne, mon pompon, que ça tourne. Maintenant! Il a peur de la vitesse, il est debout sur le frein. Il aime pas la jeunesse, il a peur des martiens. Il ne fait plus de projets, il prend trop de précautions. Il condamne le progrès, toutes les inventions. C'est hors saison, il dit que l'histoire a toujours raison. Il asphyxie la passion à force de sermons. Réactionnaire, systématique en réaction. Aussi motivant qu'un somnifère, antithèse et contradiction. Il en fait un contentieux. Broyeur de l'imaginaire et classicisme pompeux. Bémol boogie, bémol man, bémol boogie man. Il belle la vie d'un mi-temps. La vie, la belle, c'est bémol et pas un dièse. C'est ça qu'il est vexé. Et puis la sécurité comme un besoin, il n'a jamais fait d'excès. Il refuse l'avant-garde et ça le regarde. Mais son âme est aussi terne que le fond d'une caverne.

no ibara no hana ka sayui yui kurete kaereba yare ho ni hiki tomeru mata hari no tsundara ka nu shama yo mata hari no tsundara ka nu shama yo mata hari no tsundara ka nu shama yo mata hari no tsundara ka nu shama yo. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Donc, il m'a fait écouter, et c'est ça le bon musique. Merci, messieurs. Et c'est à travers la famille que, tranquillement, l'amour de la musique s'est installé. Tu penses, excusez-moi. OK, c'est à travers ce qui se passait étant enfant que un peu est né la musique, l'intérêt pour la musique. C'est... Ça me dit que dès que j'ai entendu que piano, et une époque, j'étais à l'école maternelle petite. Et après 5 ans. Oui. Okay. Après le cours, donc il y avait de cours de piano, le professeur. Il vient de l'extérieur. Ok. Et quel endroit? Et c'est Kagoshima Sud au Japon. Ok. Et j'étais tellement attirée, le son, mais l'ambiance de cours de piano. Et le professeur était très belle. Ok. Oui, oui. Okay. Et donc, c'est

しみたいだね。と笑いましたね。過ごした日々を。 Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89 à Québec, avec Rénald Dany. Un moteur qui bondit, un truc qui casse tout bruit ou mélodie. Les fils du sang remplis de sons, confondus entre mille, c'est la musique des villes. Symphonie de bruit, là où je vis, à l'écoute aux aguets, c'est musique me plaît. Dans la rue en cul-de-sac, derrière la bibliothèque, je connais le son sec de tes talons qui claquent. Le grésillement d'un néon, le frottement du nylon, ma main sous tes collants, une ambiance de roman. J'écoute les conciliabules, j'ai puis une conversation entre deux klaxons. Et puis je me rapproche et j'entends cette vieille pie qui reproche à un mioche de faire du skate sous la pluie. En alerte je veille, je guette, je tends l'oreille, j'écoute ce qui se dit et tous les sons de la nuit.

MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. She doesn't feel anything, she's mummified as a nonsense produced. Angelina.